en bout de course, hein, puisque ma thèse est bientôt terminée. J'ai désormais un recul suffisant hein, pour pouvoir apprécier les informations et l'utilité qu'on peut faire de ces archives judiciaires. Alors, pour introduire cette réflexion sur les usages des archives judiciaires, il semble utile de rappeler que les archives judiciaires constituent les fonds les plus importants de toute l'administration française, et ce, dès le Moyen-Âge. De la basse à la très haute justice, hein, des vigueries au Parlement, pour l'Ancien Régime, hein, la justice française a été une grande productrice d'archives, faisant naître de véritables océans archivistiques sur lesquels les historiens se sont engagés finalement assez tardivement. Paradoxalement, pourtant, les archives judiciaires d'Ancien Régime, aussi nombreuses soient-elles, sont proportionnellement moins étudiées par les historiens que d'autres archives, hein, comme par exemple les fonds de la série U qui ont plus la cote. Les archives contemporaines sont davantage exploitées. Paradoxalement, car les publications sur l'histoire de la justice ont enregistré ces dernières décennies une spectaculaire progression, alors que la majorité des fonds judiciaires français demeurent à ce jour inexplorés, et notamment donc ceux de la série B qui sont à peine effleurés, et on va voir pourquoi. Alors, pour mesurer la richesse des fonds de la série B, j'ai lancé en fait une enquête auprès de tous les centres d'archives départementaux français pour faire un état des lieux donc, des fonds de la série B et savoir justement s'il y avait des travaux en cours et quels étaient les fonds possédés par chacun donc, des centres départementaux. Alors, l'enquête s'appuie sur une série de questions simples, donc identification et qualification des fonds regroupés dans la série B, composition de ces derniers, importance numérique évaluée donc en mètres linéaires, présence ou non d'un inventaire exhaustif. Et enfin, j'ai aussi demandé dans le cadre de cette enquête si des travaux étaient en cours sur ces fonds. Alors, qu'est-ce qu'il ressort donc de cette enquête ? Eh bien, sans surprise, que les archives judiciaires d'Ancien Régime forment une masse documentaire considérable. La distribution de ces archives est hétérogène, hein, tributaire des aléas de l'histoire et de leur conservation. Donc, à titre d'exemple, bon ça je vous l'ai dit, je tape vite. Alors, à titre d'exemple, on peut évoquer les modestes 32 mètres linéaires possédés par les archives donc départementales du Pas-de-Calais, les 900 mètres linéaires du Gard, les 1500 mètres de la Seine-Maritime, et enfin les quelques 1900 mètres de la Meurthe-et-Moselle, ce qui est extrêmement considérable, comme on va donc pouvoir le comparer hein, avec Marseille. Donc, rares sont les centres d'archives départementaux à ne pas posséder donc, de fonds issus de la série B. À titre de comparaison, donc, les fonds de la série B de Marseille, qui représentent quant à eux 180 mètres linéaires, et dans ces 181 mètres linéaires, les fonds criminels sur lesquels j'ai travaillé représentent quelques 900 cartons, hein, grosso modo 13 000 procédures. Alors, ces quelques chiffres permettent d'attirer l'attention donc, de l'historien sur... Eh bien, la diversité et la richesse de ces fonds. Alors, les archives des justices moyennes, hein, sur lesquelles je travaille, c'est-à-dire sénéchaussée ou bailliage, c'est la même chose, sont à ce jour sous-exploitées. Alors, les travaux qui ont porté sur la sénéchaussée, dans un premier temps, au XIXe siècle, sont essentiellement intéressés au personnel de la sénéchaussée et aux compétences donc, de ces tribunaux, sans véritablement aller s'immerger dans les archives qui étaient convoquées plus à titre anecdotique hein, pour justement donner un petit peu la teneur et la composition de ces fonds. Il a fallu attendre finalement les récentes études donc, de Jean Quéniard, de Joël Hotebert, de Michel Aichette, de Jean Renard, ou Hervé Pian, pour n'y citer que ces derniers, pour que l'intérêt exceptionnel de ces fonds soit mis en évidence. Alors, Maurice Garden, dans son ouvrage sur Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle, ne manque pas de souligner à propos de ses archives que, aussi bien aux criminels qu'aux civils, ces archives donc, de la sénéchaussée sont enfermées pour le seul XVIIIe siècle dans plus d'un millier de liasses. Or, ces papiers des corps professionnels et les archives judiciaires sont à peu près les seuls témoignages que l'on possède des milieux populaires de la ville. Donc, qui souhaite connaître l'atmosphère donc, des catégories populaires des villes et des campagnes bon, avec d'autres fonds, a tout intérêt à aller consulter ces fonds. Cependant, Maurice Garden, et je le rejoins sur ce point-là, précise la difficulté majeure que présente l'exploitation de telles sources. Hein, il indique que pouvoir donner du sens à cet ensemble documentaire, Il est nécessaire donc de compulser, brasser, classer et évidemment analyser des sources qui, par leur matérialité, leur richesse, peuvent rebuter plus d'un chercheur. Alors, c'est la station. Alors, les fonds criminels de Marseille donc sont un peu mieux lotis au niveau donc de l'analyse puisque nous avons à disposition un dépouillement quasi exhaustif de ces fonds-là. C'est ce qui constitue bien sûr un outil précieux puisque on ne se balade pas dans les fonds à l'aveuglette. On a de quoi, hein, bien sûr, connaître la composition de ces fonds. Et je vous ai restitué donc sur cette diapositive les informations que livre le dépouillement dont on dispose à Marseille. Donc la cotation, le numéro donc du procès dans le carton, le nom des parties, le sexe bien sûr, la profession, le nom des accusés, le sexe de l'accusé, la profession de l'accusé, le motif de la plainte, le lieu du crime, la date, bon, toutes ces informations qui permettent d'avoir une vue large sur ces fonds criminels et bien entendu de pouvoir les questionner. Hein. Ces fonds criminels donc, ont été dépouillés pour chaque carton avec un fichier Excel. Et l'ingénieur de mon laboratoire a fusionné l'ensemble donc de ces 900 fichiers Excel, ce qui me permet d'avoir un unique fichier et qui me permet bien sûr de faire donc des recherches à l'intérieur de ce dernier, notamment par l'usage de tableaux dynamiques croisés. Alors la classification donc originale de ce fonds en fait est tributaire de ce qui avait été fait sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire que toutes ces archives avaient été classées par ordre alphabétique. Hein, donc, en fonction donc, bon, bah, de la lettre, vous avez plus ou moins de nombre d'articles, c'est-à-dire de nombre de cartons. Et c'est ainsi donc que se répartissent les 900 cartons qui composent les fonds criminels de la Sénéchaussée. Alors, le dépouillement exhaustif qui a été fait à partir donc de ces fonds a suivi en fait hein, l'organisation et la logique de ce type donc de classification, si ce n'est que maintenant on connaît concrètement hein, pour chaque affaire les tenants et les aboutissants du motif pardon qui ont suscité ces procès et donc il est beaucoup plus facile ensuite d'aller mettre le nez dedans. Alors, les fonds criminels sur lesquels je travaillais se distribuent chronologiquement de la sorte. Donc, grosso modo, tous les fonds, le fonds criminel concerne la seconde partie du XVIIIe siècle. Pas que la Sénéchaussée n'ait pas fonctionné auparavant, mais visiblement, des choix de conservation ont été faits. Et avant 1950, on a très peu donc, de procédures, 249 au total, qui visiblement concernent les procès qui peut-être ont un intérêt spécial, hein, puisqu'on y trouve essentiellement des meurtres, des infanticides ou des violences extrêmes. Alors, ce choix de conservation peut être s'expliquer justement par la nature de ces crimes ou tout simplement parce qu'ils ont été sauvegardés de la destruction. Alors, parmi les hypothèses que l'on peut fournir au niveau donc de cette conservation, il y a bien entendu l'hypothèse des destructions révolutionnaires, hein, comme ce fut le cas à Nîmes-Beaucaire, puisqu'en 1793, les fonds de la Sénéchaussée de Nîmes ont été détruits. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse, on ne peut pas permettre de mettre tout sur le dos de la Révolution et de dire que les feux de joie se sont allumés autour de ces archives donc administratives, peu s'en faut. Alors donc nos travaux donc se concentrent, je viens de le rappeler, sur la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui à mon sens est peut-être la plus intéressante, on verra peut-être pourquoi. Et la matière donc première ne manque pas pour ces réflexions que je conduis sur les femmes et la violence à Marseille au XVIIIe siècle. Alors concrètement donc ces archives. Qui de prime abord peuvent sembler répétitives, hein, parce que lorsqu'on les lit, hein, on a tendance à retrouver des structures sempiternellement identiques. Mais lorsqu'on les pratique de longue date, on commence, hein, je dirais, avec un œil un peu aiguisé, à dégager les subtilités que ces archives nous permettent donc d'aborder. Alors, les archives judiciaires envisagées donc dans une approche donc plus globale fournissent à l'historien, on va le voir, des mots, des gestes, des pratiques, des idées qui tous réunis composent le quotidien qui se laisse apercevoir dans ces pièces de vie rapportées sur la scène judiciaire. Après, on pourra discuter bien sûr de tous les préalables méthodologiques que suppose le maniement de ce type d'archives, mais nier l'intérêt de ces archives pour connaître le quotidien donc de l'Ancien Régime, bien sûr, ne tient pas. Si l'immensité des fonds limite quelque peu toute prétention à l'exhaustivité, hein, ne serait-ce que par exemple pour les femmes, puisque plus d'un procès sur deux les implique, 6 000 procédures, bien sûr, en quelques années de thèse, il était impossible de pouvoir tous les dépouiller. Malgré tout, le corpus que j'ai constitué m'a permis hein, d'étudier des modes de vie, des façons de cohabiter qui fondent le nécessaire vivre ensemble, qui caractérise la société d'Ancien Régime. Les archives judiciaires donc sont le réceptacle pardon, complexe de bribes d'existence et de croyances, mais aussi le reflet des espaces de rencontre entre les sujets du roi de France et la monarchie par l'intermédiaire de la justice, garante du lien social dans son acception la plus large. Les archives judiciaires mettent effectivement en tension la sociabilité populaire, la sensibilité populaire, qu'il faut saisir comme l'expression de l'ensemble des sujets du souverain, dans son rapport donc à la justice souveraine, au pouvoir justicier qui est exercé par la sénéchaussée au nom du roi, et donc sur laquelle s'épanouissent les conflits au quotidien qui animent aussi bien le monde des villes que des campagnes. Alors bon, là j'avais donc qui en passe, je l'ai dit. Alors voilà. Donc la méthode donc d'exploitation de ces archives, hein, je vais assez vite pour qu'on puisse discuter davantage justement sur des questions qui vous peut-être passionneront un peu plus. Alors, pour constituer mon corpus, donc pieusement, j'ai dépouillé 900 procédures que j'ai entièrement retranscrites, constituant donc plusieurs milliers de pages de retranscription et donc qui ont occupé longuement non seulement mes soirées d'hiver, mais mes soirées d'été. Alors, comment j'ai constitué ce corpus et comment j'ai procédé, hein, pourquoi j'ai choisi ces 900 procédures plutôt que d'autres? Alors, tout d'abord, dans le cadre d'un Master 2, j'avais initialement suivi donc, la méthode du dépouillement exhaustif, c'est-à-dire que d'après le dépouillant dont j'avais à ma disposition, dès qu'un procès impliquait une femme, ping, donc je le traitais, je le retranscrivais et je l'analysais. Donc, ce type donc, de dépouillement exhaustif n'était pas hérétique en soi, puisque comme le classement était alphabétique, eh bien, en traitant donc, 300 procédures donc, dans cette première approche, j'avais donc couvert l'ensemble de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors, la dimension sociale de l'archive est essentielle, on va y revenir. Hein, pour aborder cet aspect, je suis parti donc, des travaux inspirés par Jacques Guillaumou. Hein, qui, dans le questionnement et les questionnements, pardon, m'ont extrêmement été précieux dans ma façon de guider mon analyse. Alors, l'archive est regardée tout d'abord comme un miroir social qui permet donc d'esquisser, bien sûr, sous la conduite et la rédaction du greffier, les occasions de litige auxquelles les femmes sont confrontées. Bon, pas uniquement, mais je me suis surtout intéressé à ces dernières. Donc, expérience visible grâce aux traces consignées dans les archives judiciaires, sans lesquelles donc ces formes de rencontres et d'échanges et d'interactions échapperaient totalement à l'examen critique de l'historien. Donc, comme le note Jacques Guillaumou, l'archive n'est pas le reflet passif pardon, d'une réalité institutionnelle, elle est dans sa matérialité et dans sa diversité même, mise en ordre par son horizon social. L'archive n'est pas un simple document où on se puise des référents, elle s'offre à une lecture qui découvre des dispositifs, des configurations signifiantes. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais effectivement, les archives ont été également traitées d'un point de vue linguistique, hein, c'est-à-dire que dans les récits abordés dans ces fonds, j'ai cherché donc à identifier des permanences, des ruptures, et me poser la question de savoir s'il n'existait pas une culture judiciaire commune à l'ensemble des justiciables, que ce soit à Marseille ou ailleurs d'ailleurs. Alors, l'archive n'est pas que le simple reflet du litige dénoncé, elle est la restitution matérielle d'une situation, de sentiment, de mise en scène de soi et de mise en scène de l'autre, puisqu'elle raconte, on va le voir, l'émotion tout autant que la représentation de l'acte dénoncé et celle donc de ses implications. C'est dans les configurations donc d'un récit qui se propose de restituer le réel que l'historien recherche des éléments susceptibles de comprendre le XVIIIe siècle. Alors, bien sûr, il faut se méfier, hein, car par bien des aspects, les archives judiciaires peuvent être fascinantes et donner l'impression de tout dire, ce qui est effectivement loin d'être le cas. Or, c'est bel et bien dans ces silences que l'archive, une fois encore, fait sens. Les configurations rhétoriques, les stratégies argumentatives dont j'ai parlé tout à l'heure, les conditions de narration, les structures événementielles, les divergences ou les recoupements des récits de la plainte et des témoignages, la restitution de l'oralité, le style des greffiers, tout ce qui fonde et fait l'archive et sa production demeure essentiel pour s'approcher d'une façon de vivre au XVIIIe siècle. Une expression rendue manifeste par les mots couchés sur le papier, fruit d'une normalisation, bien entendu, qui est loin, malgré tout, donc de rendre illisibles ces archives officielles. Alors, une prise de recul vis-à-vis de l'archive est nécessaire. Hein, Benoît Garnot a raison de souligner qu'il faut s'avancer avec extrême prudence dans le dépouillement et l'interprétation des archives judiciaires, car elles présentent des insuffisances et des lacunes qui camouflent la réalité. Alors ça, tout le monde est d'accord, hein, c'est les historiens qui travaillent sur ce type d'archives. On n'y recherche nullement une quelconque vérité, on s'intéresse véritablement aux façons de restituer des vérités. Hein, comment les justiciables vont présenter donc sur la scène de la Sénéchaussée leur bobo quotidien et voir comment ils espèrent obtenir éventuellement une quelconque réparation en faisant les récits de leurs souffrances. Alors, cette rigueur critique dans l'étude du fonctionnement des sources ne doit pas exclure la part du sensible. Hein, là, on rejoint notamment les travaux d'Arlette Farge, hein, ne serait-ce que parce que les archives sont extrêmement sensorielles. Comme le dit Arlette Farge, pardon, hein, vous ne pouvez pas lire une archive sans voir. Et effectivement, au XVIIIe siècle, lorsqu'on lit les archives donc judiciaires, eh bien, la scène de la rixe se dessine peu à peu dans votre imagination, hein, plus d'une fois, pardon, il m'est arrivé de me payer des fous rires tout seul devant mes cartons, hein, quitte à passer pour un fou, mais les situations sont parfois extrêmement cocasses, et donc l'archive, dans sa matérialité, permet de restituer cette originalité. Alors, là, je vous ai fait donc une reproduction donc sommaire d'une archive qui vous permet de voir comment hein, on a organisé un peu ça sous l'Ancien Régime. Alors, sur la première page donc de la plainte, vous avez donc la nature du crime qui est toujours indiquée en haut à droite, le nom des parties, hein, donc vous savez qui porte plainte contre qui, et bien entendu en bas à droite la date de la plainte. Alors en haut à gauche, on ne sait pas que ce n'est pas intéressant, mais c'est ce qu'on appelle les épices, hein, donc les frais éventuellement engagés, auxquels par ailleurs je ne me suis pas vraiment intéressé parce que, comme je l'ai montré dans mes travaux, selon le type de plainte portée, eh bien, vous n'aviez pas à débourser d'argent, voire rien du tout. Alors, les sources judiciaires, pour être intéressantes, doivent être regardées pour ce qu'elles sont, hein, comme je l'ai essayé de le montrer, à savoir un instantané du quotidien dont la netteté est troublée en raison d'un enchevêtrement de discours, d'enjeux qui échappent en partie à l'historien. Les archives judiciaires sont malgré tout un reflet du quotidien, hein, comme je m'évertue à vous l'expliquer depuis tout à l'heure. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que, au-delà des motifs de violence qui sont exprimés dans ces archives, c'est tout l'arsenal rhétorique mis à contribution par les justiciables qui fait sens à la compréhension du XVIIIe siècle. Les détails du quotidien, notamment qui concernent les vêtements, les occupations, les activités, les descriptions de scènes de sociabilité, les goûts culinaires, les loisirs, les croyances, les rythmes journaliers, tous apparaissent dans ces récits délictuels, détails auxquels la justice n'attache que peu d'importance. Son souci majeur restant de découvrir la vérité. Mais bien entendu, pour l'historien, ceci constitue une véritable manne. Donc, parce que, à travers de ces petits détails qui sont donnés à titre anecdotique et qui permettent de resituer les événements, eh bien, c'est véritablement dans ces détails-là que la société marseillaise du XVIIIe siècle va peu à peu se distinguer et apparaître. Alors, faire le pari d'approcher la réalité d'une société révolue par les sources de la répression est en soi donc nullement hérétique. Les justiciables, en se produisant eux-mêmes en justice, produisent le temps qui les fait évoluer et interférer. Alors, comment quantifier l'affect et la violence? Comment mettre en relation des détails, des trajectoires individuelles pour leur donner du sens? Alors, donc ce que je vais vous présenter, c'est la façon dont j'ai constitué des grilles d'analyse qui m'ont permis ensuite, à travers d'une base de données, hein, de compiler, de collecter différents éléments et détails livrés par ces archives. Alors, premier donc, degré de formalisation de cette information qui n'a pas été très difficile à constituer, puisque à partir du dépouillement On avait déjà donc le travail qui était plus ou moins mâché, à savoir d'identifier les types de violences qui étaient donc jugées, enfin non pas jugées, parce qu'attention, toutes les affaires ne sont pas jugées, produites, c'est plus juste, donc sur la scène judiciaire. Alors, on a donc grosso modo cinq ou six grands types de violences. Donc les violences qui sont de type subi, hein, les accidents, les suicides, les expositions d'enfants. Les violences qui sont exercées, hein, qu'elles soient donc verbales par le biais des injures ou au contraire physiques, hein, par les coups, les blessures, les meurtres bien entendu, infanticides et les violences conjugales. Les formes de délinquance qui bien sûr concernent le vol, les atteintes aux mœurs, hein, bon j'ai pas tout détaillé mais je vous ai donné l'essentiel, hein, prostitution, rapt de séduction et adultère. Et enfin les contentieux qui se retrouvent également dans ces fonds judiciaires. Les conflits de voisinage, les conflits familiaux, les conflits professionnels, les conflits financiers, hein, dettes, salaires, problèmes donc d'achat et de vente qui parfois se retrouvent non honorés et qui conduisent parfois à une procédure au criminel. Alors j'ouvre une parenthèse aussi, hein, normalement ce type d'affaires, type contentieux, a tendance d'habitude à être jugé au civil. Sauf que à Marseille, eh bien, la conversion donc d'une justice à l'autre se fait assez régulièrement et par justement l'usage et la dénonciation de crimes graves, hein, on arrive à faire basculer d'une justice à l'autre les violences qui sont condamnées et portées sur la scène donc judiciaire. Alors, plusieurs approches sont possibles donc pour traiter cette masse documentaire. Donc, je l'ai évoqué rapidement, donc il y a l'utilisation du logiciel Access. Hein, donc, avec l'ingénieur de mon laboratoire, on a formalisé ensemble donc, une base de données qui nous a permis en fait, de formaliser donc, toutes ces informations et d'en faire une exploitation numérique. Et bien sûr, d'avoir un autre regard sur ces archives. Alors, concrètement, qu'est-ce que donc ces bases de données et le maniement de ces différentes informations permettent donc de fournir à l'historien? Alors, tout d'abord donc une étude sociologique, bien entendu, hein, des Marseillais qui se produisent en justice. Donc à partir des différentes donc informations tirées de chaque affaire, on arrive à dégager ainsi hein, toute une série d'informations. Donc là, c'est tout ce qui concerne donc bien sûr les informations les plus élémentaires de chaque procédure, la date, la saison. Hein, c'est extrêmement intéressant d'essayer de qualifier la saisonnalité des violences, de savoir s'il y a des périodes de l'année plus propices que d'autres à la violence, et en fonction du type de violence, est-ce qu'il y a donc des mois plus adaptés? Bon, de façon générale, comme par hasard, l'été. C'est le moment où, par exemple, on enregistre un pic des violences, qu'elles soient verbales ou physiques, hein, les esprits s'échauffant et les journées se rallongeant, hein, les occasions de se rencontrer et d'éprouver l'autre se multiplient. Alors, on peut également donc travailler sur le déroulement de l'affaire, à savoir est-ce qu'on a un affrontement direct, dans le cas notamment des violences physiques, est-ce qu'on a des affrontements indirects, notamment par le biais de l'injure qui peut être faite dans le dos des intéressés, hein, qui en ont vent et qui bien sûr souhaitent obtenir réparation des propos diffamants. Le flagrant délit, alors j'en ai pas rencontré beaucoup, hein, mais ça se produit, notamment dans les affaires d'adultère, des amants cachés sous le lit. Hein, et des maris qui d'ailleurs découvrent comment dirais-je, le crime de la femme en trouvant par exemple un violon qui traîne sur une table de nuit hein, et se disent tout de suite ma femme ne s'est pas mise à jouer d'un instrument du jour au lendemain. Et bien sûr, dans ces cas de flagrant délit, d'ailleurs, en théorie, on peut faire l'économie d'une procédure. Hein, sauf que là, par bonheur, hein, on a la chance de retrouver ces procès qui permettent aussi d'étudier les formes de sexualité qui ne sont pas toujours visibles dans d'autres types d'archives. Alors, les discours sont bien sûr extrêmement intéressants pour réfléchir sur la société marseillaise, hein, de voir comment les expressions employées diabolisent l'autre, comment on critique, on dénonce et bien sûr on accuse. Hein, les thèmes de l'injure sont à ce titre extrêmement éclairants, notamment dans le cadre des femmes, tout ce qui concerne bien sûr la moralité sexuelle et par excellence le type d'injure qui est employé. Hein, au 19e siècle d'ailleurs, ça ne change pas trop, hein, c'est toujours. La moralité des femmes qu'on dénonce, c'est la même chose pour les périodes précédentes. Et bien sûr, au-delà des éternelles litanies d'injures employées, à savoir gueuse, garce, putain, hein, qu'on retrouve systématiquement, on a tout un arsenal d'injures qui sont beaucoup plus fleuries et qui permettent là aussi hein, de questionner la perception des femmes et notamment donc la violence qui s'exprime à leur encontre. Hein. Des expressions du type religieuse de rempart hein, qui font donc un amalgame entre la vocation donc des sœurs et les remparts qui sont des lieux de prostitution, mangeuses de blanc, mauvaise race, reste de galère, pilier de guérite, enfin, bon, on a tout un univers argotique qui nous permet de voir comment la femme est diabolisée. Et bien sûr, d'un point de vue linguistique, on a des choses extrêmement intéressantes à voir. Alors, second degré donc d'exploitation de ces archives, bien sûr, les attitudes face à la justice. Alors là, donc, ce sont des comportements qui s'expriment essentiellement dans les interrogatoires lorsqu'ils sont présents, mais également dans les témoignages. Je vais y revenir plus en détail tout à l'heure. Mais donc, on a le moyen, je dirais, de qualifier les comportements. Un exemple. Une jeune fille porte plainte donc en justice parce que des hommes se sont introduits chez elle et l'ont violée. Et dans l'interrogatoire, lorsqu'on lui demande donc au jeune homme si c'est la vérité, il dit oui, c'est vrai, mais dès que j'ai sorti une pièce de 6 écus, elle a arrêté de crier. Hein, donc on a cette idée que parce que elle a été monnayée, c'est une prostituée et donc sa plainte n'est pas viable. On a aussi, donc, je vais y revenir, dans l'attitude des témoins, parfois des choses surprenantes, car dans cette affaire, par exemple, des hommes donc, qui étaient à la rue et qui ont entendu donc, les cris de cette jeune fille se pressent de monter, mais sont spectateurs du viol sans intervenir nullement, disant qu'ils n'ont pu empêcher ce dernier. Donc là, là aussi, il y a un questionnement intéressant à conduire sur les témoignages et sur l'implication donc, des témoins dans chaque affaire étudiée. Donc, il y a tout un travail à ce niveau-là à faire, notamment sur la manière de se disculper, quels sont les arguments qui vont être mis en exergue par les accusés pour se donc justifier. Les formes du discours, là aussi, sont intéressantes à qualifier, puisque j'ai remarqué notamment, davantage dans le cadre des témoignages, mais que les femmes sont beaucoup plus précises hein, que les hommes lorsqu'elles témoignent. Hein. Elles sont beaucoup plus sensibles aux détails, qui, bien sûr, n'intéressent pas forcément la justice, mais qui, bien sûr, sont extrêmement précieux pour l'historien qui travaille sur ces archives. Alors, bon, là, je vous ai reproduit donc, ce qu'on appelle l'exploitation. Hein, lorsque vous êtes convoqué en justice pour déposer, donc, vous devez vous munir de ce petit billet qui vous donne l'autorisation à être entendu et reçu donc, pour témoigner. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le cahier d'information donc, qui a servi, bien sûr, de matière seconde. Non. Qui a été mis en complément et en compétition, je dirais, avec les plaintes. Car sous l'Ancien Régime, quelque chose d'extrêmement intéressant émerge, c'est que de façon générale, dans les plaintes, la violence exercée est toujours gratuite. Hein. En gros, donc, on s'en prend plein la bouche, la tête et les fesses, et on ne sait jamais pourquoi. La violence est toujours présentée comme gratuite. Et sans les témoignages, on ne saurait pas hein, pourquoi ces violences éclatent. Et c'est extrêmement essentiel pour l'Ancien Régime de confronter la plainte au témoignage parce que sans ça, eh bien, toutes les subtilités de la plainte, les causes de la violence échapperaient complètement à l'historien. Alors, sur les témoignages, donc, et à partir de ces cahiers d'information, là aussi, donc, un travail sociologique a pu être conduit et des bases donc, de données constituées. Donc, les informations qui sont livrées par ces cahiers d'information sont les suivantes. Bon, nom, prénom, âge, profession, lieu de naissance, qui par ailleurs a permis bien sûr de confirmer l'idée que Marseille n'est absolument pas une ville cosmopolite sous l'Ancien Régime, hein, puisque 95% donc des personnes impliquées en justice sont des Marseillais ou des Provençaux. Hein, donc l'idée d'une Marseille cosmopolite ne tient pas. On peut également donc travailler sur la propriété à Marseille. Puisque chaque témoin est sommé de décliner le lieu où il réside, et à cette occasion-là, si il vit dans sa demeure, cela est précisé, et si les locataires, on précise, vit dans la maison de Madame Untel, et là aussi, d'après les archives judiciaires, peu nombreux sont les Marseillais propriétaires. On peut également donc faire un travail sur la capacité donc à écrire. Hein, et là encore, on se rend compte que 92% des femmes au XVIIIe siècle ne savent pas signer, hein, comparé aux hommes qui, dans 64% des cas, sont capables de signer. On peut, et bien sûr, faire un travail sur la longueur des positions. Hein, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en général, les femmes sont beaucoup plus bavardes. Elles sont beaucoup plus sensibles à différents détails, hein, notamment lorsque les femmes sont violentées. Elles vont prêter attention donc à la façon dont la femme est dégradée, hein, comment les habits sont arrachés et géographiquement comment le corps est violenté. Hein, en général, on s'en prend essentiellement pour une femme à la tête et souvent aussi au sein ou au bas-ventre, hein, qui sont régulièrement malmenés, avec bien sûr des finalités éminentes, puisque les femmes, on va y revenir, régulièrement, lorsqu'elles portent plainte, vont mettre en avant le fait que, à cause d'une violence, elles ont pu éventuellement faire une fausse couche. Voilà, donc c'est la concurrence et la confrontation de ces différents donc détails tirés de mes archives qui permettent finalement de faire sens et de s'intéresser au quotidien de Marseille au XVIIIe siècle. Hein, la confrontation des discours, la réflexion et l'analyse sérielle des détails qui, mis bout à bout, hein, nous laissent véritablement donc apparaître ce que Marseille a pu être. Bien sûr, je ne dis pas ce que Marseille a été, mais ce qu'elle a pu être, du moins au travers de l'expression de cette litigiosité, je vais y arriver, hein, excusez-moi, qui s'exprime dans ces archives judiciaires. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions?